On va parler avec Alexandre Gagnon, toute une nouvelle hier, belle nouvelle pour Alexandre Gagnon. Ça ne lui garantit rien, par contre, c'est les premiers pas vers une carrière professionnelle. Il a signé une entente avec les Stampeders de Calgary. Pour en savoir davantage, on lui passe là, Alexandre. Bonjour, Dan. Hey, Alexandre, comment ça a été au cinéma Météor en passant? Est-ce que c'était le fun? Y avait-tu beaucoup de monde? Oui, c'était super le fun. C'était vraiment bien organisé. Malgré que ça s'est fait quasiment seulement 2 semaines avant l'événement. C'est sûr que c'était la première édition de l'événement, tu sais, de réussir à faire sortir le monde, que souvent ils font ça en famille chez eux, c'est difficile. Mais je suis certain que pour les prochaines années, le monde de personnes va aller en montant, c'est sûr, parce que c'était vraiment une belle soirée. OK. Est-ce qu'il y avait des profits? Normalement, ce genre d'activité-là, ailleurs, c'est pour une équipe de football, mais comme il n'y a pas de football dans le coin. Il y avait une levée de fonds pour aider l'athlète Marie Besson. Ah, OK, oui, pour c'est bon. ses participations aux Olympiques de 2020. OK. Donc, belle entente hier, ça veut dire que les Stamps te montrent une belle marque de confiance généralement. Ils m'ont refaire de signer soit pour 1 an ou pour 2 ans. Moi, j'ai signé pour 2 ans. J'avais signé pour 1 an l'an dernier. Puis je l'avais regretté, honnêtement. Puis je suis content qu'ils m'aient offert les 2 offres encore cette année. Fait que j'ai pu signer pour 2 ans. Je suis vraiment bien content. OK. Qu'est-ce qui t'avantage? Parce que les contrats sont pas garantis dans les Canadiens. Qu'est-ce qui t'avantage? Pourquoi 2 ans au lieu d'un an? Plus de sécurité, quoi? Ben, c'est que dans le fond, si tu signes pour 1 an, c'est toujours plus une année en option. Fait que c'est soit 1+1 ou 2+1. Okay. Ben, si tu signes pour 1 an, après, ils vont extendre ton contrat. Fait qu'après ta deuxième année, tu peux renégocier ton contrat. Okay. Puis après ta première année, eux, ils peuvent t'extendre ou tu peux aller voir ailleurs s'il y a quelqu'un qui t'offre mieux. Tandis que 2+1, ça se fait seulement à ta troisième année. Okay. Si tu signes pour 1 an, c'est un peu gagé sur toi, te dire que tu vas vraiment avoir une bonne première saison, puis qu'ensuite, tu vas pouvoir renégocier rapidement un plus gros contrat. Tandis que le 2+1, c'est plus à moyen terme, dans le fond. Puis t'as un petit peu plus de choses quand tu signes pour 2 ans aussi dans ton contrat. Okay. Moi, je voulais vraiment... Je pense que c'est la façon que les Stampeders me voient aussi, c'est un projet à plus long terme. Donc, je suis allé pour la stabilité avec un contrat de 2 ans. OK. Fait que là, j'imagine que... Est-ce qu'on t'a préposé un programme? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Non, au niveau professionnel, ça fait beaucoup... Non, mais je veux dire, vraiment, un programme d'entraînement pour cet hiver, ouais, vraiment, en forme de camp? Chaque joueur a vraiment son préparateur à lui. Moi, pour ma part, c'est Xavier Roy, ici à Sherbrooke. Okay. C'est vraiment individuel. Là. Tu arrives prêt au camp, puis fais ce que tu dois faire. OK. Les Stamps, qu'est-ce qu'ils t'ont dit maintenant? Donc là, tu vas arriver, au camp, j'imagine, en bonne forme. Le but, c'était de prendre de la charpente dans ton cas, parce que t'as un beau physique, je veux dire, t'es grand. Par contre, manquait sur la charpente, il en manquait un peu. Est-ce que ça, c'est de ce côté-là, ça pourrait être... Est-ce qu'on a pris un 10-15 livres? En fait, j'ai pris 20 livres depuis la saison dernière. OK, de muscles. Maintenant, un peu plus de 2,50, ouais, de muscles. J'ai vraiment un faible pourcentage de gras. Là, j'ai environ à 2,50. Puis mon entraîneur de la ligne défensive, lorsque j'y ai parlé il y a quelques semaines, il m'avait demandé d'être à 2,55 avec la même vitesse. À 3 mois et demi du camp, je suis assez confiant pour réussir à avoir un bon 255, être à la même vitesse que j'étais l'an passé. Fait que ça va très bien de ce côté-là. Ah, c'est très, très bon. Ben Alexandre, là, ta carrière junior, mais carrière universitaire est terminée. Tes études, sont-tu terminées complètement? Non, hein? Ouais. Ouais, OK. Tu travailles, là, hein? Non? Non, là, je m'entraîne vraiment à temps plein. Là. J'ai un petit emploi à temps partiel pour m'aider un peu, mais je prends vraiment 100% de mon temps de ma préparation physique. Ah, OK. Donc, c'est pour ça là-dessus. Ben Alexandre, gros merci. C'est pas mal de fun que toi et Shane est venu à Delbeau-Mississippi pour la soirée Super Bowl. J'ai l'impression que dans une couple d'années, même s'il n'y a plus d'équipe, Je ne sais pas si tu entends parler un peu. Il y a Philippe Lavoie qui est allé à un camp d'équipe, qui est allé à un match au Stade des Cowboys, au International Bowl. T'as Simon Gagnon qui est courtisé par McGill. Tu en as plusieurs. C'est pas mal le fun que toi et Shane, de quelque part, vous avez monté du chemin, vous avez tracé du chemin. Puis il y a encore de belles années pour les joueurs de football dans le coin, là. Ben moi, j'ai vraiment le souhait que le football scolaire se redéveloppe. Ouais. Lorsque moi j'étais à Debout-Mustapha, il y avait les Patriotes, il y avait les Carcajou. C'était vraiment une grosse pépinière de football. Il y avait beaucoup de joueurs de Debout-Mustapha dans les rangs collégiaux. Puis là, oui, il y en a encore quelques-uns, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus de football dans Polyvalente. J'espère vraiment qu'un jour ça va revenir parce que c'est un beau sport. Ça a vraiment permis à beaucoup de jeunes de Debout-Mustapha de Ah oui. s'initier à ça. Ah oui, effectivement. Ben Alexandre Gagnon, félicitations, puis on se reparle au courant du camp d'entraînement à Calgary. Merci beaucoup. Alexandre Gagnon de Dolbeau, Mississinée.